Leçon 2. Activités 2 et 3. Page 116. Piste 89. Tu pars en vacances au Vietnam avec ton père, Alice ? Oui. Il aime beaucoup ce pays. Comme moi. Tu visites quel site touristique ? Je visite le lac Hoan Kiem, le vieux quartier de Hanoï. Tu peux aller aussi à la baie d'Along ? Bien sûr. Et toi ? Tu visites quoi au Canada ? La ville de Québec et les chutes du Niagara.